الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد juste une petite remarque par rapport au dernier texte que j'ai mis en ligne sur Fadha'il Omar ibn Khattab radiallahu anhu. J'avais cité par rapport aux relations qu'on peut trouver entre homme-femme qu'il est certain qu'un homme n'a pas à s'approcher d'une femme mariée. Et j'avais dit également qu'une femme n'a pas à s'approcher d'un homme marié. Ça, c'est la base, bien sûr. Et là, on parle dans une situation qui soit illégitime. Mais oui, bien sûr, c'est pas dans l'absolu. On va dire que, entre parenthèses, par exemple, une femme célibataire est en droit, il lui est licite de montrer un intérêt pour un homme marié, d'accord, dans le but d'une relation conjugale chadriya. Bien sûr qu'elle est moins légiférée. D'accord, ça c'est entre parenthèses. On ne va pas dire qu'une femme, par exemple, qui est célibataire, qui voudrait se marier avec un homme qui est déjà marié, donc on sait que la polygamie en islam, c'est une chose qui est permise. D'accord, le fait qu'elle lui fasse connaître son intérêt par des moyens légiférés, on va pas dire que c'est une traîtresse ou c'est une voleuse ou non. Ça n'existe pas ça en islam. C'est une femme qui a le droit de pouvoir également obtenir des bienfaits d'Allah Azawajal. D'accord ? Donc bien sûr, ça c'est entre parenthèses, ça rentre pas dans ce que j'ai dit comme parole pour pas que peut-être certaines sœurs le prennent mal. Ils pensent que se sentent coupables de vouloir, mesalène, être peut-être en vue d'un homme qui soit déjà marié et qu'elle pense que ce serait une forme de trahison. Non, ça c'est pas, ça rentre pas dans l'adultère, ça rentre pas dans le dans ce genre de situation comme Naché les Koufar ou d'autres personnes qui ne soient pas moustaqima. Là, ça c'est une chose qui est permise en religion. D'accord ? Seulement, il faut le faire dans les règles. C'est ça en fait. Le faire dans les règles avec une bonne niya. Hein ? Avec une amal biniyat. La base, tout part d'une bonne niya. Une niya qui soit saine. Taïb. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Fatima radiallahu anha et de ses deux enfants et de Aïcha. Donc là, maintenant, on est toujours dans Al-Fadha'il et on va prendre maintenant toujours dans les Sahaba Fadl Al-Muhajirin Wal-Ansar radiallahu anhum. Fadl Al-Muhajirin Wal-Ansar radiallahu anhum. Donc là, c'est le mérite des Muhajirin et des Ansar. Donc c'est le 157e hadith du kitab qui est le 17e de ce fasl. Yaqul an al-Bara radiallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ويبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه. Donc selon le Bara, il a dit avoir entendu le Nabi صلى الله عليه وسلم dire que les Ansar ne sont seuls les croyants les aiment et seuls les munafiq les détestent. Et que celui qui les aime, Allah l'aimera. Et celui qui les déteste, Allah le détestera. Taïb. Donc, Awalen el-Ansar. Ansar, c'est le pluriel de Nasir ou de Nasir, qui veut dire secoureur. En gros. Et là, ce qui est voulu, c'est Ansar Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, min al-Aus wa al-Kharzaj. C'est les gens qui étaient le Medina de la tribu de Aus et de Kharjan. Et je crois qu'il y a Bani Najjar aussi. Et avant l'islam, ces gens-là étaient connus comme étant Abna Qayla. Et Abna Qayla, c'est une mère qui arrive à joindre entre deux tribus. C'est une mère qui arrive à joindre entre deux tribus. Alors, peut-être que c'est par exemple une femme qui a mis au monde deux enfants ou qui a été mariée peut-être avec deux hommes de tribus différentes, qui a eu des enfants de tribus différentes par rapport au mari qu'elle a eu, je ne sais pas trop expliquer. Mais c'est une femme qui a été à la base de deux tribus différentes. Wallahu ta'ala alam. Et les Ansar, c'est devenu pour eux comme un nom propre. Al-Ansar. Et souvent, c'est traduit par auxiliaire. En français, mais le mieux c'est garder les termes tels qu'ils sont, c'est Ansar. ceux qui ont porté secours à l'islam ou au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accueilli en leur sein à Al-Médina. À savoir qu'ils étaient déjà venus auparavant, alors qu'il était à Mecca, et leur avait dit qu'il allait venir plus tard, de rester discret dans leur coin, et que leur union allait s'accomplir plus tard. Mais c'était au moment où l'islam était encore faible et que les musulmans se cachaient. Et à la base, ces gens-là sont des gens qui viennent du Yémen. Les Ahl al-Médina, les gens d'Ahl al-Médina, de base, leurs origines remontent au Yémen. Donc les Ansar sont ces gens-là. Ceux qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en leur sein lorsqu'il a fait la hijra et de qui s'est bâti, on va dire, l'empire, par rapport, empire islamique par la suite. Ça a commencé là-bas. Donc il dit « La yuhibbuhum » c'est-à-dire « N'aime les Ansar » pour le secours qu'ils ont apporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un amour légiféré du fait qu'ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont protégé de leur vie et de leur bien, et ne les aime qu'un croyant, c'est-à-dire un croyant qui a une foi complète. C'est comme dans le hadith « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire un amour, c'est un iman complet. C'est-à-dire si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi, ça ne veut pas dire que tu es un kafir. Mais ta foi, elle est basse. Ta foi, elle est basse. « La yub'idhuhum » et qui déteste les ansar pour ce côté ansar qu'ils ont, hein, bien sûr. Si ce n'est un munafir, une personne qui fait apparaître l'islam et qui renferme le kufr. Donc celui qui les aime, Allah va l'aimer. Donc parmi les causes d'obtention de l'amour d'Allah Azzawajal, c'est d'aimer les Ansar. Tu veux que Allah Azzawajal t'aime, tu dois aimer les Ansar. Et ça, cette condition est venue pour dire pour tous les Sahaba, bien évidemment. C'est venu également pour les croyants dans leur ensemble. Et c'est venu pour certains Sahaba, en particulier des hadiths, comme pour Abu Huraira. Ce hadith est venu dans le même sens. Que cela munafiq déteste Abu Huraira. Ou pour Ali, radiallahu anhu, wa akada. Et ceux qui ont détesté les Ansar pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire qu'ils ont secouru le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, ça sont des munafiqoun. Et d'ailleurs, les munafiqoun, sachez qu'ils n'en sont apparus qu'après la hijra. Avant la hijra, il n'y a pas de munafiq. Parmi les muhajiroun, il n'y a pas de munafiq. Les premiers munafiqoun sont ceux qui sont parmi les gens d'El Medina, qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venir, qui ont vu l'islam se répandre et qui ont vu qu'ils étaient en faiblesse, donc ils se sont convertis, hein, pour cacher. Ils ont été contraints de se convertir pour ne pas se faire dominer. Mais au fond d'eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Donc c'est pour leur intérêt personnel. Et ces gens-là, eux, bien sûr, détestaient les Ansar qui ont cueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam concrètement. Ils vont dire, ouais, c'est à cause de vous qu'il est venu, c'est vous qui l'avez accueilli, ainsi de suite. Comme Abdullah ibn Abi Ubay. Par exemple, ces gens-là ne sont convertis que pour se protéger, sans quoi ils ne croyaient pas. Ou ils ne voulaient pas que l'islam se répande. Taïeb. Après, quelqu'un va dire, le hadith ne parle pas des muhajiroun. Certes, mais les ulama, ils ont expliqué que les muhajiroun, eux, ils ont regroupé ces deux caractéristiques, qui sont celles de la hijra et celles du nasr. Ils ont été également des ansar, car ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la même manière, de leur personne et de leur bien. Et depuis le début, comme Abu Bakr, Taïeb, et bien d'autres. Ces gens-là ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dès ce début, et dans les moments où il a le plus de faiblesse. Donc les muhajiroun ont un degré supérieur au ansar, car ils ont regroupé les deux, la hijra et le nasr. D'ailleurs, vous avez cet ordre-là, vous avez les premiers muslimoun, les premiers qui sont convertis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Satan a été tué avant de faire la hijra. Tu as les muhajiroun, après tu as les ansar, après tu as les gens de Badr, après tu as les gens de Al-Bay'a, sous l'arbre, et ainsi de suite. Ça veut dire, plus les gens sont rentrés en islam dès le début, plus ils font partie des meilleures catégories. Ça ne veut pas dire que les derniers ne sont pas bons, mais c'est sûr qu'ils auront fait moins d'actions méritantes que les premiers. Donc les muhajiroun, bien que dans ce hadith ne soient pas stipulés, sont également des gens qui sont, même aoulah, à plus forte raison, doivent rentrer dans l'amour d'Allah Azawajal pour celui qui les aime, et kazalik dans les gens du Nifer pour ceux qui ne les aiment pas. Et dans le Coran, Allah dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. D'accord. Ceux qui ont parmi les premiers, et Allah Azawajal a cité en premier les Muhajirun et l'Ansar. Donc on y voit que les Muhajirun ont été cités en premier. Dans le Coran, Allah a dit للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Parmi les pauvres, parmi les muhajirun, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et dont les biens ont été pris et qui ne recherchent que la grâce d'Allah et son agrément, ils secourent Allah et son messager, sont ceux-là les véridiques. Donc les muhajirun rentrent dans ce fadl et d'un degré supérieur. Et Cheikh Islam il dit wal muhajirun afdal min al ansar wa hum aidan min ansarillahi wa nasaruhu kama nasarahu al ansar walakin lamma kana lahum ismu yakhussuhum wa huwa al muhajirun wa huwa afdal al ismain khassa al ansar bi hadha al ism. Il dit Cheikh Islam que les muhajirun sont meilleurs que les ansar, car ils sont également parmi ceux qui ont secouru Allah, tout comme les Ansar l'ont fait. Mais comme ils ont été spécifiés par le nom des Muhajirun, alors il était également légitime de particulariser les Ansar par une nomination qui était celle des Ansar. Et toute personne, sachez, tout comme aujourd'hui la Hijra perdure, et qui reste obligatoire pour les gens qui sont au pays où ils ne peuvent faire apparaître leur islam. Les Ansar également existent, ce mérite existe. Et c'est le mérite des gens qui sont déjà en terre d'islam qui accueillent les autres. Et c'est une obligation de secourir les frères et les sœurs autant que possible dans la mesure du besoin. Chacun, à sa manière, doit aider ses frères et ses sœurs à pouvoir quitter les pays de Kufr ou autre, et lorsqu'ils viennent au pays d'Islam et qu'eux sont déjà installés, qu'ils leur apportent leur soutien dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et ça mènera à un mérite de Ansar. Et ça reviendra au hadith qu'on a dit au début, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba liyakihima yuhibbul nafsi » qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah est dans le soutien de son serviteur tant que son serviteur soutient son frère. Donc il n'y a rien à y perdre. Donc ceux qui peuvent aider les gens par des informations, pour les aider dans différents domaines, dans ce qui est dans leur capacité, qu'ils les aident. Et cela donnera, inshallah, un mérite des Ansar. Et on dira que malgré tout, ceux qui peuvent partir, qui ont des moyens de partir, tout ce qui s'ensuit, et qui n'ont pas de Ansar, ce n'est pas une condition qu'il y ait des Ansar pour faire la Hijra. Parce que souvent, il y en a disent, ouais, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti parce qu'il y avait des Ansar. Aujourd'hui, on a des pays d'islam qui sont là, ouverts, où tu peux te rendre. Tu n'as rien besoin de plus. Maintenant, s'il y a des gens qui t'ouvrent leurs portes et qui t'aident encore plus, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas une condition pour dire, non, j'ai pas fait la Hijra parce que j'ai pas trouvé de gens là-bas qui m'ont accueilli ou ce qui s'ensuit. Là, ça, c'est pas un short, ça. Ça, c'est pas un short, alors qu'il est. Mais c'est mieux, bien évidemment. Par contre, on le répète encore, pour les femmes seules qui comptent faire la hijra également, il leur est permis de voyager sans mahram. Ça, c'est ijmar des ulama. Cependant, on ne les encourage pas à le faire si elles n'ont pas justement un pied à terre quand elles arrivent. On n'encourage pas les femmes à partir seules à l'aventure. La femme, elle est faible, elle est fragile, elle est vulnérable, elle se doit d'être protégée, car des gens peuvent abuser d'elle. Et elle peut être des situations qui lui seront, on va dire, insurmontables, seules. Donc on n'encourage pas les sœurs seules à partir faire la hijra. C'est un encouragement, on le déconseille, c'est pas on dit c'est haram sur elle, non. Mais on dit partez dans les bonnes conditions et faites en sorte que lorsque vous arrivez quelque part, vous avez un lieu sécurisé qui vous attend. Voilà. Et tout comme on encourage également ceux qui sont seuls, mariez-vous très vite. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seul en pays d'islam, Mouhajirat, comme ça seul. Mariez-vous très vite. Ou alors partez avec, bon, c'est un mahram comme le frère, le père, ça c'est, mashallah, c'est jayid. Mais celles qui sont sœurs, seules, bah, afouen, mariez-vous très vite. Car ça va être très difficile de gérer, de vous gérer vous-même, et si vous avez des enfants, de gérer vos enfants seuls. Très très très dur. Car c'est pas votre pays, ce n'est pas votre environnement, c'est pas comme lorsque vous étiez en France, vous pouvez aller à droite à gauche, faire ce que vous avez à faire. Là-bas, c'est pas pareil. Les pays d'islam, c'est pas pareil. La mentalité n'est pas la même. Les facilités ne sont pas les mêmes. Et les fitaines ne sont pas les mêmes également. Ensuite, on dit Fawaid al-Hadith, enseignement du Hadith. Anna min dala'il sihat al-iman wa sidqihi hub al-ansar. Donc, parmi les choses qui prouvent la véracité de la foi et sa validité, on va dire, le fait d'aimer les Ansar. Thaniyan, anna min alamat al-nifaq wa fasad al-sarira bourd al-ansar. Ce qui montre, parmi les signes d'hypocrisie et de la corruption interne, ça veut dire que tu es une personne qui renferme du mal, le fait de détester les Ansar. Thalithan, al-imtihan bi rijal kama qala Abu Zur'a Razi, idha ra'aita rajul yatanaqqas ahada min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu zindiq. Et là, on y voit également cette règle qui est la permission de pouvoir tester les gens par les gens. C'est-à-dire, par rapport à quelqu'un qui fréquente, à qui se réfère, tu peux savoir qui tu as affaire. Comme il avait dit, Abu Zur'a Razi, si jamais tu vois une personne qui dénigre un seul des Sahaba, sache que c'est un zindiq. Donc, ça, c'est une règle qui existe même aujourd'hui. Malgré qu'il y a des ulama qui n'ont pas voulu l'admettre, ça a été une erreur, comme Cheikh Al-Abbad dans son livre Idfqan al-Sunnah, qu'il avait écrit à l'époque, c'est un livre qui était une erreur, qui était réfuté par Cheikh Yahya al-Najmi, dans lequel il a voulu concilier entre Cheikh Rabi' et Abu al-Hassan al-Misri, car il considérait Abu al-Hassan comme étant un salafi, alors que c'est un hizbi, et Cheikh Rabi', lui, dénonçait cet homme-là, et Cheikh Al-Abbad a voulu éteindre les tensions, en disant qu'on est tous al-Sunnah, alors que ce n'était pas le cas. Et il disait qu'on ne teste pas les gens, par exemple, tu dis quoi de Cheikh Intel, tu dis quoi de Cheikh Intel. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est légiférée de faire. Mais là, il ne faut pas en abuser. Le cas de la Hajja, tout comme il faut rester équitable, car des fois, par exemple, des gens vont te dire, un tel, il parle sur Cheikh un tel, par exemple. Et nous, on a sûrement eu droit à ça. Mais on dit, il parle sur lui, pourquoi? S'il parle sur lui pour son menhaj, et qu'il le dénigre, et qu'il ment ou quoi, oui, ça c'est un alamat batil, des gens de la bid'a. Mais s'il remet en question une mas'ala ou une position d'un shir salafi qui est erroné le prouve, non. Au contraire, c'est noble de faire cela. Car des gens, ils prennent ce genre de règles dans l'absolu. Par exemple, demain, tu vas voir, je sais pas moi, un exemple, Cheikh Al-Albani, il aura eu tort sur une mas'ala. Tu vas l'évoquer. Je vais dire, ouais, il part sur Cheikh Al-Albani, donc c'est un moutadir. Non. Il a dit quoi sur Cheikh Al-Albani? Par exemple, il y a peut-être une mas'ala sur laquelle il a fait un ijtihad, Cheikh Al-Albani, et là, il faut. Le fait de dire cela ne revient pas à dénigrer Cheikh Al-Albani. Quand on dit dénigrer, c'est une personne, tu parles d'elle injustement, pour ce qu'elle ne mérite pas. Et tu parles d'elle justement pour son mérite. D'accord? C'est une personne de mérite, soit tu la dénigres parce qu'elle est de mérite. Tout comme vous voyez par exemple les Hizbis qui appellent les salafis matralistes. Ces gens-là vont critiquer Cheikh Rabir pour le khayl qu'il a fait. C'est pour le khayl qu'il a en lui qu'il n'aime pas. Le fait qu'il a dénoncé des gens du mal, qu'il a fait des redoutes à leur machère, ce genre de choses, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas. Vous comprenez? Maintenant, si c'est pour remettre en question certaines paroles, certaines positions sur des sujets particuliers sur lesquels le savant peut avoir tort, ça rentre pas là-dedans. Pas pareil. Et les gens souvent mélangent tout. Ils disent si un tel a dit tel mot sur tel chier, c'est que tout de suite, ça y est, c'est un moutadir. Pas forcément. Ce qu'il a dit, ça peut être une réalité. Ça peut être une réalité. Mais de base, tu pourras savoir à qui tu as affaire en fonction de ses références. Ça, c'est une règle. Comme Aqila, man, je crois que c'est le Sha'abi qui l'a dit, man rafiat alayna bid'atu, lam turfa alayna ulfato. Celui dont sa bid'a est cachée. Vous allez voir beaucoup de hizbis qui cachent qui ils sont réellement. Ils vont faire montrer la salafia d'apparence ou quoi ou quoi. Et ils vont cacher qui ils sont. Et ben tu sauras qui il est quand tu verras à qui il se réfère et qui sont ses fréquentations. Vois avec qui il marche. Vois qui il écoute. Et tu sauras qui il est. D'accord? Et souvent tu ne verras pas des gens de la bid'a faire les éloges des gens de la sunna. Non. Ou alors s'il le fait, c'est que c'est un makr. Et quand tu vois des moumtadir faire l'éloge de quelqu'un, en général c'est que lui-même c'est un moumtadir. En général. D'accord? En général. Ça, c'est parmi les signes à regarder. Et si des fois tu verras Moubtadir faire l'éloge de quelqu'un de bien, ça peut être également pour se cacher, comme l'ont fait les Munafiqoun à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour pas montrer qui ils sont, ils font croire qu'un tel, voilà. Ou alors ils ont un intérêt à voir ce qu'un tel soit dans leur côté, parce qu'ils vont faire la règle que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ils vont voir qu'il y a un conflit entre plusieurs personnes, et vont se ranger du côté de la personne qui est contre leur ennemi, même si cette personne-là n'est pas des leurs. Ça, c'est la SBIA, ça. Mais de base, tu ne verras pas une personne du mal s'allier une personne du bien. C'est la base. Donc, souvent, par les fréquentations et les critiques, tu pourras savoir à qui tu as affaire. C'est important. Ensuite, on dit Fadl al-Ansar wa ulum rutbatihim li nasratihim lil-Islam wa qiyamihim bihi wa iwa'ihim lil-Muslimin. On voit le mérite des Ansar et leur haut rang pour le secours qu'ils ont apporté à l'islam et pour avoir abrité les musulmines en leur sein lorsqu'ils ont quitté Mecca. On peut dire qu'Al-Najashi également a été un Ansar lorsqu'il a accueilli les gens de Mecca qui avaient émigré les premiers, dont Ja'far et bien d'autres. Les premiers, il y avait Othman également avec eux. Les premiers qui ont quitté Mecca pour aller en Habasha. Al-Najashi, le Négus, est considéré comme un Ansar à sa façon, car il les a abrités, les a secourus. Au début, il n'était pas musulman, mais après, il s'est converti secrètement. Et ce qu'il a fait comme acte, c'est du Nansar. C'est du secours qu'il a porté à Allah et à son messager par le biais de son, du refuge qu'il a porté aux croyants. Par contre, il n'a pas le statut de compagnon. Al-Najashi n'a pas le statut de compagnon, il a le statut de tabiri. Pourquoi ? Car il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rencontré. Il a cru en lui, il est mort sur la foi. Mais comme il a vu des sahaba, alors il a le jugement d'un tabiri. Le tabiri, c'est lui qui a vu les sahaba, mais qui n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant. Donc Najashi, même s'il était contemporain au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas rencontré, il ne l'a pas vu, donc il n'a pas le statut du sahabi. خامساً يدخل في هذه الفضيلة المهاجرون لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. Donc on dit que dans ce mérite, ils rentrent également les muhajirun, car ils ont lié entre la hijra et le secours. سادساً إثبات صفاتي المحبة والبعد وهما من صفات الله الفعلية. Et on y voit également l'affirmation de deux attributs pour Allah Azza wa Jal qui sont l'amour et la détestation, que Allah Azza wa Jal il l'aime tout comme il déteste. كما يليق به Subhanahu wa ta'ala, comme cela lui fied. D'accord ? Parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal, c'est al-mahabba wa al-bourd. Wa adam al-sifat al-fi'liya. Comme a dit le mu'allifu, rahimahullah ta'ala, ou hafizahullah ta'ala. Taïb, thumma nakhouz al-hadith al-azi ba'da. Le hadith qui suit. Qui est fadl al-masajid al-thalatha. Le mérite des trois mosquées. 158e hadith, qui est le 18e de ce chapitre. Il en restera deux. Ensuite, nous aurons fini ce fasl biznillah ta'ala. An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, la tushaddu al-rihal illa ila thalath masajid. Al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wal-Masjid al-Aqassa, muttafaqun alayhi. Donc il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'entreprend pas, on ne peut entreprendre de voyage si ce n'est pour se rendre aux trois masajid, qui sont le Masjid al-Haram, le Masjid al-Nabawi et le Masjid al-Aqsa, celui qui est en Palestine. Alors quand on dit on n'entreprend pas de voyage, ça veut dire un voyage pour se rendre en un lieu particulier pour une adoration. Le lieu en lui-même pour l'adoration. C'est ça qui est voulu par là. Donc la touche de Rihel, c'est le fait de voyager, entreprendre un déplacement qui rentre dans le jugement du voyage. Si jamais c'est une distance autre que celle du voyage, ça ne concerne pas le hadith. Sans quoi, si jamais c'est un voyage, selon les règles du voyage, bien sûr, avec tout ce que cela implique, alors ça rentre dans ce hadith. Donc le premier, c'est Al-Masjid al-Haram. Et le mosjid qui est, bien sûr, Al-Haram qui est à Mecca. Qui est la qibla des muslimines pour leur salat. Donc ce mosjid là, wa ahab al-baqa' fil ard ila Allah azza wa jalla, c'est le lieu préféré d'Allah azza wa jalla sur terre. Wa qala ta'ala fihi hudan lil alamin, il s'y trouve une guidée pour l'univers, pour tous les mondes. Mecca est un lieu particulier. Donc en premier lieu, Mecca. Le mosjid al-Haram à Mecca. Et d'ailleurs, ce voyage est obligatoire pour celui qui peut faire le Hajj ou qui peut faire la Umrah. S'y rendre est obligatoire. D'accord ? S'y rendre est obligatoire pour qui rentre dans les conditions requises. Ensuite, il y a le mosjid al-Nabawi. Le mosjid Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux voyager pour t'y rendre. Tout comme il est recommandé pour qui fait le Hajj ou la Umrah de s'y rendre pour visiter ce mosjid. Et quand il s'y rend pour visiter ce mosjid, il en profite pour aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu ne vas pas pour cela. Tu ne vas pas spécialement pour cela pour saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr et Omar. Non, tu y vas pour rendre visite au mosjid al-Nabawi. Et une fois que tu y es, là, tu profites de l'occasion pour aller. D'accord ? Parce que faire attention, celui qui va là-bas, dans le but d'aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rentre dans l'interdiction. Car là, ça n'y a lieu, c'est pas le mosjid al-Nabawi en soi, c'est la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc faut faire très attention à ça. Parce que souvent, des gens vont à Mecca, ils vont faire la Umra, et ils disent « Ouais, je vais aller à Médina pour saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». On dit « Non, ta niya, elle est mauvaise. Tu n'as pas le droit d'y aller pour cela en particulier. Si tu y vas, c'est pour le mosjid al-Nabawi. Pour le visiter. Et une fois que tu es là-bas, oui, il est recommandé d'aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aller voir également le Maqbara des Shuhada, le cimetière des Shuhada de Uhud. D'aller voir Uhud, d'aller voir tout ce qu'il y a sur place. Une fois que tu y es. Mais tu n'y vas pas pour cela en premier. Sans quoi, tu rentres en transgression de ce hadith. Et que dire de gens qui se déplacent pour aller vers des lieux où il y a des tombes, pour adorer ces tombes. Ou dans des lieux qui ont été innovés, qui n'ont aucun mérite. Par exemple, vous voyez les gens au Sénégal qui vont ce qu'on appelle à Touba, ce mosjid qu'ils ont fait. Où ils vont y faire un hajj. Certains ont même pour croyance que le hajj à Touba est meilleur qu'un hajj à Mecca ou à l'Azbillah. Après, ces gens-là, ils ont du rouleau et ils ont du shirk à... incroyable. Mais parmi leurs croyances, d'accord ? Est-ce que c'est tous ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont pour croyance que leur mosjid là, il a plus de mérite que d'aller à Mecca. Et ça, c'est très très grave. Ensuite, al-Masjid al-Nabawi. Ah, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, al-Masjid al-Nabawi, qui est al-Medina, et qui s'appelle également Haram. D'ailleurs, on appelle Ard al-Haramain, les deux Haram. Il y a celui qui est à Mecca, et il y a celui qui est al-Medina. Et ensuite, il y a al-Masjid al-Aqsa, celui qui est en Palestine, que vous connaissez. Ce Masjid-là également, il est conseillé pour qui peut s'y rendre, de s'y rendre pour le visiter. Il est certain qu'en ces jours-ci, sera difficile. D'accord ? Ce sera difficile. Mais, Nassallah Azza wa Jal ansur l'ikhwanana fi Palestine, qu'il les secoure, qu'il les apaise, qu'il les rassasie dans leur faim, qu'il sécurise leur peur, qu'il guérisse leurs malades, qu'il fasse miséricorde à leurs morts, et qu'il leur donne le secours sur leurs ennemis. Et que le jour où les choses pourront se rétablir, la situation pourra se stabiliser, que celui qui peut aller là-bas, et aller voir ce masjid, qu'il y aille. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. Donc il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, une salat dans mon masjid à moi, c'est-à-dire là c'est le masjid al-Nabawi qui est le Medina, est meilleure que 1000 salat en dehors. Ça veut dire une salat au masjid Nabawi, ça en vaut 1000 ailleurs. Il a dit hormis dans le masjid al-Haram, celui qui est à Mecca. Car dans le Haram, la salat elle en vaut 100 000. Celui qui fait une salat au masjid al-Haram, ça en vaut 100 000. Et là, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que cela est propre au masjid ou est-ce que cela est propre à tout le Haram? Parce que Mecca, il y a ce qu'on appelle le Haram, qui est une limite. dans laquelle seuls les musulmans peuvent rentrer. Les koufars n'ont pas le droit de rentrer. Et quand tu rentres au haram, pour faire le hajj ou le umrah, tu dois rentrer en étant muhrim, en état de sacralisation. Bon, après, c'est des règles qui sont liées au hajj et la umrah. Al-Muhim, et les ulama, ils ont divergé. Est-ce que cette récompense de 100 000 salats, elle est valable dans tout le haram, c'est-à-dire toute la partie où il y a la limite, ou juste dans le masjid? Ou juste dans le masjid en lui-même? Et beaucoup de savants disent que c'est le haram entier et non pas le masjid en lui-même. Et cet avis-là, il est très arrangeant, il faut dire la vérité, car il évite l'attroupement, que tout le monde aille tout le temps au masjid al-haram, ce qui peut compliquer les adorations pour les gens qui y vont pour la première fois. Après, je pourrais pas être décisif sur l'avis, mais moi je penche plus pour l'avis que c'est tout le haram qui est compris comme étant pour la récompense. En plus, en réalité, le masjid al-haram, on peut pas le délimiter. Et où est-ce qu'il s'arrête, le masjid al-haram? Car à chaque fois, il a grandi. C'est où ses limites? De l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce que vous voyez aujourd'hui, c'était pas grand comme ça à l'époque. Donc, ce qu'on appelle le masjid en lui-même, où est-ce qu'il s'arrête, concrètement? Personne ne pourra le dire. Les gens vont dire le mur, d'accord. Mais si dans 10 ans, il a grandi, ils font un nouveau mur. Et dans 20 ans, un nouveau mur. Parce qu'à chaque fois, il a grandi. Où est-ce qu'il va s'arrêter, le masjid? Donc, on peut pas vraiment le délimiter en lui-même. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, c'est une mas'ala qui existe. D'accord? Qui fasse que celui qui va là-bas, selon cet avis, qui ne s'imagine pas que les 100 000, c'est que dans le haram en soi. Même dans ton hôtel, même dans une autre mosquée environnante qui est dans le haram, tu as cette récompense-là, Inch'Allah Ta'ala, bien que ça reste toujours meilleur d'être à proximité du masjid al-haram en lui-même. Taïb. Donc maintenant, on va prendre les fawaïd de ce hadith. يقول فضل المساجد الثلاثة وميزتها على غيرها من المساجد وأفضلها المسجد الحرام. Donc il a dit le mérite des trois mosquées et leur distinction par rapport aux autres mosquées et que le meilleur des trois c'est le masjid al-haram. ثانيا استرباب شد الرحال إليها والصلاة فيها والتعبد عندها. Et qu'il est recommandé de s'y rendre pour y faire la salat et pour y faire des actes d'adoration. ثالثا تحريم شد الرحال الى بقعه من الارض للعباده والتقرب سوى هذه المساجد. Qu'il est interdit de se rendre, de faire d'entreprendre un voyage pour viser un lieu en particulier pour l'adoration et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et on parle pour un lieu en lui-même. En dehors de ces trois masajides. رابعا تحريم شد الرحال الى القبور والمشاهد لان ذلك من اتخاذها اعيادا بل من اعظم اسباب الاشراك باصحابها. Et qu'il interdit de voyager pour se rendre vers les tombes et autres et pour les prendre comme lieu de célébration, car cela est parmi les plus grandes causes qui mènent au shirk pour les gens. Ça veut dire que même demain tu as la tombe d'un proche à toi qui est enterré loin dans un lieu qui est lointain, tu ne fais pas de voyage pour aller visiter sa tombe. Par contre, tu peux faire un voyage pour aller là-bas, pour une autre raison, et une fois que tu es là-bas, tu en profites pour aller voir sa tombe. Ça ressemble à la masala qu'on a dit au début, d'aller voir la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil. On dit que ton père, rahimahullah ta'ala, il est mort. Il est enterré au bled. Toi, tu ne peux pas dire, je vais aller visiter la tombe de mon père et je fais un voyage pour ça. Non, tu n'as pas le droit. Minniya, d'aller faire un voyage là-bas pour visiter tes proches, ce qui s'ensuit, et une fois que tu es là-bas, naam, là tu vas rendre visite à la tombe de ton père. Et savoir qu'invoquer pour un mort ne demande pas d'être auprès de sa tombe. Tu peux invoquer pour ton père, ta mère, ton frère, ou n'importe qui, où que tu sois. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, ce qu'il a dit, que faites la salat sur moi, car vos salats m'atteignent où que vous soyez. Yaqul mazida fi hadi al-masajid al-thalatha. فهو تابع لها بالمضاعفة وحول الثواب وحصول الثواب الأصل منها. Voilà, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire par là. Je pense qu'il vise, comme on disait, tout ce qui est environnant de ces masajides. Tout ce qui environne ces masajides, ça rentre dans la récompense qui s'y rattache. Wallah alam. سادسا لا يدخل في النهي شد الرحال لطلب العلم وزيارة قريب أو أخ في الله أو للتجارة لأنه لا يقصد البقعة بعينها. Et que ne rentre pas dans cette interdiction le fait de voyager pour aller étudier la science. ou alors visiter un proche, ou une personne, ou alors pour le commerce. Car on ne vise pas le lieu en lui-même et pour l'adoration. Par exemple, à l'époque, Demej, quand tu te rentres à Demej, tu n'avais pas la Demej pour Demej en soi, tu es la Demej parce qu'il y avait là-bas des durus. Il y avait du ilm, c'est-à-dire si on était ailleurs, t'aurais été ailleurs. Ce n'est pas le lieu en lui-même. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on a quitté Demej, ce qui nous a fait mal au cœur, c'est de quitter l'environnement par rapport à ce qui s'y trouvait. Mais le lieu en lui-même, il n'y a rien à Demej. C'est pas un lieu. Il n'y a pas de hadith qui parle de Demej en soi. Et ce qui s'est fait à Demej peut se faire ailleurs. Il n'y a pas de particularité. C'est pas comme Mecca ou comme El Medina ou comme Beit El Maqdis. C'est pas pareil. Donc là, ce qui est voulu, c'est. Là, on parle du lieu en lui-même, par rapport à son privilège religieux. Et c'est pareil pour aller voir les proches ou pour un commerce. Par exemple, tu vas faire un commerce dans un lieu. Si c'est un lieu qui est propice au commerce, c'est pas le lieu en lui-même, c'est l'activité qui se trouve. Car cette activité, tu peux peut-être la trouver ailleurs. Donc par là, les visites, faire un voyage pour visiter les lieux, n'est valable que pour ces trois masajid qui sont Al-Masjid Al-Haram, ou Al-Masjid Al-Nabawi, ou Al-Masjid Al-Aqsa. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك